Alors que lorsque nous sommes arrivés dans cette singulière clairière, le jour jouait au travers des troncs. Maintenant qu'Elisheba a pris sa résolution, one morning as I was sitting stitching by the open window, she burst in and blew at me. Give him up, she screamed. He's mine. The photographs were kind to her. Seeing her now for the first time full length in the flesh, I understood why he preferred me. We were not long together when she smelled the rat come up that horse. Maintenant she said, oh, I cut my throat. God, so help me God. And if she could have no proof, I could have known what she was talking about. Immense arbre, she screamed. He stinks of bitch. Sure, I had him autour de nous, c'est le crépuscule. Tourbillonne des voix. Des voix qui parlent dans un vieil idiome qui ne nous est pas intelligible immédiatement. Peut-être est-ce de l'anglois. Des voix qui semblent portées par le vent et provenir partout alentour de la lisière. She put a bloodhound on me, but I had a little chat with him. He was glad of the extra money. Why did you get out? I said when he started moaning about it. Des discours interrompus qui s'entremêlent et tournent dans nos têtes. Nous sommes entrés dans une clairière et nous voilà tous deux tourbillonnants. Le vieux Snao est à nouveau pris de tremblement et étreint à pleine main la main de sa jeune amie, la renarde. Il a dans le regard la crainte, mais pas la crainte qu'il avait tout à l'heure, fanfaronne, aplastronné devant l'arbre, immobile et le menacer de représailles. Il a vraiment peur. Il est tétanisé contre la main de son ami. Il tremble et voudrait être tout contre elle. Il se rapproche d'elle, mais semble hésiter. Et à mesure que les voix s'égrènent autour, le discours se fait intelligible et le lien semble se distendre, alors même que, au contraire, le vieux Snao tient avec plus de fermeté ou plus de volonté, plus d'angoisse, son ami. J'ai peur. Pourquoi ces arbres nous parlent-ils? Je ne comprends pas ce qu'ils nous disent. J'ai peur de ce qu'ils nous disent. Disent que je suis un vieil homme, qu'il faut que tu abandonnes. Je veux pas que tu m'abandonnes. J'ai besoin de toi. Je veux pas t'abandonner. J'ai besoin de toi, mon ami. Ils disent que l'arbre qui pleure, celui qui se tient au centre de la clairière, dans sa morgue, sait pertinemment où sont les renardeaux de ton ami. Mais qu'elle ne peut plus parler. Parce qu'elle n'a pas de prochain. Disent des choses, mais je ne comprends pas tout. Je suis dur de la feuille, mais surtout je ne veux pas comprendre. Parce que comprendre, ce serait te perdre un peu plus. Je ne veux pas te perdre. Même si j'aimerais tant retrouver Chou, je sais que toi, tu m'es précieuse. ta gentillesse, ta prodigalité proverbiale, mais surtout la gentillesse que tu as témoignée à mon égard, sans arrière-pensée, sans défiance, sans calcul, car les hommes calculent, et même les arbres calculent. Ils en veulent à ce pauvre arbre esselé, parce que lui, il peut marcher, et pas eux. Lui se tient dans le sol, mais est ancré dans les nuages, et voyage avec le vent. Je ne veux pas que tu trahisses ton ami pour moi, cependant. Je ne veux pas que tu déçoives sa parole, même si ça me fend le cœur. Le terrier des renards est au creux de l'arbre qui pleure. Peut-être que les renardos sont partis là-bas. Mais promets-moi que si tu y vas, tu prendras garde à toi. Car c'est une rive au seuil d'un monde étrange. C'est le monde d'en dessous. Ça nous mène très loin de notre bois. J'ai peur de ce qu'ils disent, j'ai peur de le comprendre, et j'ai peur de ton choix. Et je ne veux pas que tu fasses ce choix par rapport au vieil homme que je suis. Écoute ce que ton cœur te dit. Écoute ce que ton cœur te dit. Ton cœur est bon et il saura faire le bon choix. Bien, je peux descendre, revenir et t'aider ensuite. Non. C'est ce que pensent ceux qui s'engagent ici. Mais le monde d'en dessous, c'est le monde, le seuil du monde que je me suis refusé à franchir jusqu'à présent. Au-dessous, le temps s'arrête. Dessous, seules les forces les plus vives survivent. Toi, tu survivras. Moi, je m'étiole. Bah, tu restes ici et je viendrai te rechercher et on va aller retrouver ta fille. Lorsque tu reviendras, je serai au pied de cet arbre. Je ne serai plus. Je serai depuis longtemps retourné au centre, rongé par les vers. Mais réjouis-toi si tu retrouves les renardos et ton ami. Tu auras réjoui mon cœur. Au pied, on va chercher en premier notre fille et après on y va après. Oui, mais comment retrouveras-tu ensuite la trace des renardos? Ils sont partis il y a un moment. Le temps joue contre toi, joue contre nous. Bon, on se dépêche. Oh là là. On se dépêche et voilà. Laisse-moi t'admirer tel que tu es. Une dernière fois, avant que tu fasses ton choix. Je sais que tu feras le bon choix. Que tu suivras celui que ton cœur t'a tracé. Suivre la voie du goupil, là où l'air te porte, mais j'aurai en mon cœur ton souvenir que je chérirai précieusement. Le souvenir d'une âme amie, d'une âme qui sans calcul m'a offert plus que quiconque sur ces cieux, sur cette terre. qu'ainsi je voyagerai un peu avec toi. Tu me porteras en ton cœur. Écouteras-tu la voix du conclave des vieux arbres centenaires qui tiennent leur conciliabule en dehors des hommes et nous tiennent en leur plus haut mépris, ou la voix silencieuse de l'arbre qui pleure, qui nous dit qu'il a vu passer les renardeaux entre ses racines vers le monde d'en bas. Je veux que tu fasses ton choix. Mais je veux que tu sois heureuse avant tout. Je veux que... Je veux voir dans tes yeux les fleurs de lotus que j'y ai vues le premier jour où nous sommes croisés sur la sente. Les fleurs de lotus que tu m'as redonnées. Simon, il t'aide à retrouver ta fille, et moi, en attendant, je vais chercher les renards. Ça va ? Mais si je vais quérir Simon, en ton nom, peut-être m'aidera-t-il ? Oui. J'ai toute la gentillesse qui est venue en moi et qui m'a redonné des années. Peut-être qu'avec cela, il reconnaîtra en moi une partie de toi et me prendra en ami et ne me chassera pas de son logis. Il écoutera mon désespoir et m'aidera à retrouver ma fille. Tel que je le connais, oui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il a changé, peut-être qu'il est devenu fou. Peut-être qu'il... Non, il n'est pas devenu fou. Mais je te fais confiance. J'ai toute cette gentillesse que tu m'as donnée. Elle me portera chance, comme elle m'a redonné vie et espoir. Alors c'est là que nous nous quittons. Oui, je suis désolée. De ne plus être à tes côtés, mais je me réjouis de savoir que tu auras suivi la voie de ta liberté et que tu pourras trouver ce que tu cherches. Écoute bien ta peur, écoute bien tes craintes. N'oublie pas et n'aie pas honte de ce que tu es. Tu es magnifique. Toujours ta voix intérieure, ta voix du dedans. Et parfois, écoute le murmure des feuilles. Peut-être que tu y entendras, au détour d'un été, la voix jadis appréciée d'un ami qui t'aura accompagné. Alors que tu t'apprêtes à retirer tes mains des siennes, tu sens qu'il tarde à le faire lui-même. Replace ses mains une dernière fois sur les tiennes. Tu sens à nouveau ces tremblements, ces hésitations. Tu vois sa chair, ses mains moites, tout ce qu'il est d'homme, mais tu vois surtout son regard vriller dans le tien. Son regard qui semble lire au plus profond tes yeux. N'oublie pas, je t'ai donné mon cœur. Et il s'éloigne vers la lisière. Tu le vois à nouveau penché sur une canne imaginaire, claudiquant dans le couchant. Là, je prends le bâton, je dis « Attends !» Tiens, un cadeau. Et tu prends quoi ? Un bâton. Un bâton. Merci. C'est un cadeau de l'arbre. Désolé l'arbre. Qui est déjà tombé, bien sûr. Ça ira mieux pour marcher. Donc je ne serai plus là pour... Tu m'aideras plus, non? Mais est-ce que je n'étais pas là pour te ralentir? Est-ce que j'étais pas là pour t'enchasser dans ce sol? Non. Pour que tu échappes à ce qui t'est dû, à ce qui t'est promis? La forme de tes oreilles. Tu entends un ronronnement. Tu as l'impression que ses yeux ne sont plus les mêmes. Et puis... il replace ses mains sur les tiennes. Cet instant pour moi est magique. Il me donnera la force de rejoindre ton ami Simon. Et probablement de retrouver Chuck, ma fille. Merci à toi. Tu es si gentil. De rien. Ce n'est pas rien ce que tu m'as offert. Ce n'est pas ce simple bâton. Tu m'as offert bien plus. Il repart avec ton bâton, s'appuyant dessus. Jetant de petits regards furtifs. Saluant. Et il disparaît sous la lisière, sa silhouette se confondant avec l'ombre de la nuit qui s'installe dans cet instant étrange où le temps semble filer sans que tu en aies conscience. Peut-être que la force des moments que vous avez vécus avec Snao y est pour quelque chose. On n'a vécu qu'un jour, un seul. Et au pied de l'arbre qui l'inquiétait tant, tu revois sa silhouette, celle de Snao. Menaçant l'arbre, et là tu vois effectivement ce qui pourrait être des yeux dans l'écorce de ce vieil arbre, une bouche distendue par la tristesse. Et sur cette vieille écorce argentée, quelques pousses bien vertes, signe de l'été. Au sein des racines noueuses qui plongent dans la terre et qui lui font comme des jambes ou des pieds un entrelac impénétrable, aussi inextricable que les fourrés de ronces que vous avez dû traverser pour atteindre cette clairière que jamais tu n'avais traversée auparavant. Il aura fallu la présence du vieil homme pour que tu t'y risques, et tu sais que tu es si près de chez Simon. Peut-être quelques minutes, il devrait déjà y être. Ça tient à peu de choses. Il t'a parlé du temps qu'il était déterminant pour retrouver les Renardeaux. Oh ma fille, te voilà vers moi. Te voilà revenu. Nous allons trouver les Renardeaux. Tu reviens vers moi. Tu les cherches. Oui. Vraiment. Oui. Oh. Je suis si heureuse que tu aies écouté ma voix parmi tant d'autres. Je suis flattée aussi. Je suis peu de chose. Je ne suis que la voix portée par le vent, et pourtant tu te préoccupes de mes jeunes renardeaux. Méfie-toi dans l'obscurité. Méfie-toi dans l'obscurité. Mm-hmm. Et tu t'engages entre les racines, dans la tanière ombreuse. Ah oui. Tu bascules d'une lueur crépusculaire à une nuit blanche, brillante, éclatante. Tu ne vois plus que la lisière du conclave de ces vieux arbres immémoriaux qui font cercle que comme des masses distantes. Elles font cercle, elles forment une cour qui t'entoure, et tu sens une odeur forte de feuilles, d'humus, de racines, de champignons. Qu'avais-tu par-devers toi avant de rencontrer le vieux renard, le vieux bonhomme? Il est comme un renard, il était si proche de toi. Quel objet as-tu emporté depuis ton refuge? Est-ce un cocon? Quelque chose d'autre que tu as emporté parmi les trésors que tu as glanés dans le bois? Un cocon. Lorsque tu te trouves maintenant dans cette obscurité presque palpable, elle est chargée d'une forte humidité. Les nuances d'obscurité, la clarté diffuse qui vient du lointain, tout cela se mêle, pulse, selon le rythme ou le souvenir que tu as du rythme de ces voix qui racontaient de vieux souvenirs ressassés au pied des arbres centenaires qui formait le conclave que tu as quitté. La lumière papillonne sur un rythme étrange qui distend le temps. Tu marches, mais tu ne sens pas le sol sous ton pied, ce n'est plus de l'humus. C'est une espèce de terre fangeuse, celle d'une cave ombreuse. Tu as dans ta main ton cocon, doux et soyeux sous le doigt. Tu le touches et le caresses comme on caresse un chaton, tout doucement pour l'entendre ronronner d'aise. Tu le caresses et à tes narines affluent les remugles de la cité, toutes ces mauvaises odeurs charriées par leurs égouts. Et tu émerges d'une cave en fond d'arrière-cour. Au poignet, à ton poignet, tu sens comme une étreinte contraignante, tout soudain, ce bracelet, le mat, Mamba Axisternum, en anglois, comme ces paroles du conclave. C'est ce qui permet d'interroger la ruche. Un accès immédiat à la ruche. Car sous les petits picots que contient le bracelet, il y a toutes les connexions nécessaires au réseau de la ruche. Et de petits filaments de précieuses mycorhizes fongiques sont enchâssés dans ton corps pour communiquer avec la ruche. Il se passe des trucs bizarres. Dans la cour, c'est la nuit, une nuit humide comme toutes celles de la ville. Little O. Bah après ça, les renards, ils vont bien finir. Elissa Bay. Tu es Elishaba. Elisheba. Elissa Bay. Tu as ton mat au poignet, mais ici, juste à la naissance de l'endroit où le mat a planté ses crocs, il y a quelques poils au bout qui émergent. Plus la toison que caressait gentiment Snao. Pas même celle que caressait Apollinaire en te parlant de son oiseau. Tu te trouves assise sur un banc dans l'arrière-cour. Il y a une fontaine où l'eau coule plaisamment. Et il y a Apollinaire à tes côtés. Je suis inquiet. Inquiet? Oui, Ellie. Inquiet de quoi? Comment allons-nous faire Ce bail n'est pas fait pour voir naître des oiseaux ou même éclore un papillon. Je redoute tant ce qui va advenir de nous, et je ne pense pas que les dormeurs qui nous accompagnent soient tous fiables. En toi, j'ai confiance. Tu sauras accompagner notre oisillon. Je sais que tu as besoin de te tenir à l'écart pour réfléchir. Oui, oui. Mais ne me tiens pas trop à l'écart. J'ai besoin de toi aussi. Oui, oui. Ce n'est pas contre ton gré. Ce n'est pas contre toi que je me place à tes côtés. C'est pour t'épauler. Si tu as besoin de moi, je serai toujours là. Mon ami. Et c'est un peu comme si quelqu'un chassait l'autre, tu es assise, seule, sur un vieux banc de bois vermoulu, au milieu d'une vieille cour, au mur de béton orangé par les lichens, les lianes qui pendouillent, au milieu d'échafaudages au fond de la cour. Il y a sur ta gauche une petite échoppe éclairée de vives lueurs dispensées par d'innombrables bougies qui brûlent. Qui brûlent au milieu de la nuit et éclairent l'échoppe. C'est la seule source de lumière, à vrai dire, dans cette cour borgne. Il y a un vieil arbre tout rabougri au fond de la cour, près de la vasque d'eau où reposent des lotus, de belles fleurs de lotus, dont certaines ont été disposées à l'entrée de l'échoppe. Ces fleurs roses qu'éclairent par intermittence les bougies. Et dans ta main ouverte, on y dépose une fleur de lotus, c'est Kaola. Mon ami, il faut que nous protégions nos pères, les dormeurs. Nous sommes en grand danger. Cette ville nous en veut. De Vietnine. L'organisation, mais aussi les matons n'ont de cesse de nous voir disparaître. Il faudra toute notre détermination pour parvenir à échapper à cette ville. À nous enfuir. Il faudra se montrer prudent. Je sais que tu peux l'être. Mais s'il t'est fait l'opportunité, à toi et à toi seul, de t'éloigner, renonce à ton projet de protéger tous les dormeurs. Si toi, tu sors, tu pourras faire retentir l'appel au dehors et éveiller les autres dormeurs, ceux qui sont ailleurs. si tu trouves l'issue. Saisis-t'en. Pas de pitié pour les autres. Je sais combien il t'a coûté de les éveiller, mais il faut avant tout penser à toi. Il ne faut pas t'attacher à tous les sauver. Tu ne pourras pas tous les sauver. Je sais que je pèse lourd dans ton cœur, que mon sens du devoir pèse dans ce petit cœur, qu'il le ralentit. Il faut qu'il se sente libre, qu'il s'envole, qu'il oublie les cieux plombés de Little Hope, qu'il embrasse d'autres horizons. J'ai choisi un moment où tu étais seul pour que les autres ne le sachent pas, mais sache que tous les autres sont à l'affût. À certains, tu pourras faire confiance, mais pas à tous. Même mes chiens galeux à moi. Méfie-t'en, d'accord. Promets-le-moi. Ton sort m'importe plus que le mien, je pense te l'avoir prouvé déjà. En joignant mon cœur au tien. Alors de ce vieux cœur, retiens ce vœu de protéger le jeune cœur qu'est le tien. Et de ne refuser aucun envol possible. Je sens comme de vieilles racines qui te retiennent, un sens du devoir qui n'a plus cours, des craintes. Ou utilise cette crainte. Je pense que d'autres te le diront. Tes craintes sont ta force. Je t'ai promis que je ne t'envahirai pas. Aussi, pour alléger ton cœur, je profiterai de la moindre occasion pour rejoindre la boue et la vie qui m'a vu naître, pas pour t'abandonner, mais pour te libérer de mon emprise. Je t'en préviens pour que tu n'y vois pas une lâcheté, mais plus un témoignage de l'importance que je t'accorde, et donc de l'importance qu'il faut t'accorder à toi-même. Son mouvement dans la cour à côté. Quelqu'un se déplace à l'intérieur de l'échoppe alors que tout le reste est vide. La ville est endormie. C'est l'une de ces heures où tu as déjà eu l'occasion de sortir du souterrain qui abrite les dormeurs, là où vous êtes ménagé votre refuge. Là où vous êtes à l'abri des menaces extérieures, mais vous êtes aussi les uns sur les autres, sans espace pour vous ébattre, sans intimité. Et là, curieusement, au milieu de la cité, tu as toute cette intimité Tu l'as connue la première fois lorsque tu as parcouru les toits à la recherche de l'endroit où se trouvaient les laboratoires. Tu as eu comme une révélation en bondissant de toi en toi. Tu as compris une partie organique de la ville. Tu t'es déplacé comme porté par le vent de toi en toi. Mais là, immobile, assise sur ce banc, avec au dehors les maisons qui bruissent de mille vies, endormies, tu es comme préservé hors du temps. Et il y a pourtant quelqu'un qui s'agite dans l'échoppe à côté. Quelqu'un ou quelque chose. Ça attise ta curiosité, de même que tu sens une odeur plus loin dans la cour, une odeur qui t'est familière, mais que tu ne parviens pas tout à fait à identifier. Il y a quelque chose qui retient ton attention, qui... Ce sont ces pulsations qui t'envoient régulièrement ces informations provenant de la ruche. Tout ce qui te dit que tu es prisonnière du bagne de Little O. Est-ce que tu ôtes ton mat? Ça va faire mal. Est-ce que tu redoutes la douleur? Non, c'est un poignot. C'est bien gras, je ne pense pas. Ce mat, c'est un self, c'est avoir une identité au sein de la ville, c'est avoir une raison d'être, un bon à l'octroi pour avoir de la nourriture, une légitimité à circuler. Déjà qu'on a besoin d'aller prendre de la nourriture, ça change rien et tout. C'est un bon par jour. Pour se nourrir d'une soupe clairette. Mais tu peux renoncer à cela. Cela fait obstacle à... Tu sens confusément qu'il y a quelque chose au-delà dans la cour. Je peux y aller sans protéger ou pas? Ah oui, tu peux t'y rendre. Tu t'y rends, effectivement. La cour est ombreuse, il y a juste l'eau qui ruisselle des toits. Tu sais pertinemment qu'il te faudra créer une nouvelle identité au sein de la ruche, créer un nouveau self, en voler un autre. En voler un autre. Oui, c'est une affaire de shaft. Quoi, il est déjà volé, lui? Oui. Ah bon? C'est celui que tu as créé avec tes amis. C'est votre premier self de substitution que vous avez arraché à des crèves-la-faim. Vous êtes des miséreux, vous êtes dit que vous placez comme maître de l'eau, c'est-à-dire égouttier, vous permettrait d'échapper à une surveillance trop étroite des matons. J'ai pas le choix de le garder en vrai. Non, j'y vais avec et puis voilà, c'est pas grave. Tu es auprès de cette vasque où reposent les lotus. Tu sens cette odeur de lotus auprès de toi qui monte jusqu'à tes narines, une odeur parfumée, ma foi agréable quoique un peu entêtante. Ça finit par agresser tes narines et supplanter l'espèce de souvenir qui t'échappe, qui est attaché à cette odeur que tu n'arrives pas à cataloguer, que l'esprit de la ruche repousse loin de toi, repousse dans les méandres de l'oubli. Et tu te rends compte qu'il y a une jeune fille qui est assise par terre dans la boue de la cour. Elle a laissé ses cheveux libres et elle regarde avec insistance la vase à laquelle tu es à côté. Elle a ses grands yeux noirs ouverts sur la vasque. Et elle te regarde aussi. Qu'est-ce que tu fais dans la cour, comme ça, la nuit? Tu espionnes pour la nouvelle chair? Non, pas que je sache. Si t'es quelque chose, tu es une personne. Et une personne a un nom. Et pas une moins curieux. Ça, c'est pas un... ce n'est pas un nom. Non, mais je dis pas mon nom à des grands que je connais pas. Mais moi, je suis gentille, moi. Ah, qui que t'es gentille? C'est vrai. Bonne réponse. Moi, je dis pas des choses personnelles à n'importe qui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vas-y, dis-moi. Bah, si tu le fais sur commande, c'est que c'est pas dans ta nature. Bah... Hein? Pas vrai? Oh. Elle croise ses bras, comme ça. Je vois que t'as un map, toi. Oui. Pourquoi? Toi, t'en as pas? Je suis plus de moins que rien, je m'en ai pas. Tu veux que je te le donne? À quoi ça me servirait? T'as raison. D'ailleurs, à quoi ça me sert, moi? C'est vrai. On peut se poser la question. C'est souvent ce que me disait mon papa. Mais il est plus là. Une sirène de laser se l'ont emporté. Mais bon. Tu as besoin de quelque chose? Non. Qu'est-ce que tu fais toute seule? J'attends. Qu'est-ce que tu attends? Mais je peux pas te le dire, c'est un secret. Tout est secret avec toi. Ah, ben, que j'ai pas de maths, il faut bien que j'ai des secrets. C'est bien d'avoir des secrets? Ouais. Parfois oui, parfois non. Je dis, t'as bien de la chance. Mais elle se rapproche de toi comme ça, puis elle te regarde. Elle te regarde dans les yeux. Ah, tu te méfies de moi? Non. Excuse-moi, c'est bizarre de voir. Non, rien. Laisse tomber. Bah, peut-être une autre fois. Et elle ramasse une corbeille qui était posée juste derrière elle. Elle la place sur son bras. Où est-ce que tu vas? Travailler. Tu veux que j'aie une télé? Non, il faut bien que je fasse mon travail si je veux avoir à manger. Bah, si tu veux, je te donne à manger. Mais pourquoi tu ferais cela? Bah, parce que je te l'ai dit. Parce que t'es gentille. Mais qu'est-ce que tu vas me demander en échange après? Bah, rien. Tu sens une profonde hésitation. Il y a un petit singe qui vient au-dessus de sa tête. Il te regarde. Et lui fait des tresses avec ses pattes. Pour bien s'arrimer. Mon copain farceur, il m'a dit que... C'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Je sais pas. C'est lui qui me guide. Pas faire de mal, moi. Ouais, mais il dit qu'il y a toujours une contrepartie. Et moi, je veux pas payer de contrepartie. Mais je veux pas te demander une contrepartie. Je te le jure. La tête du singe s'avance au-dessus de la tête sur laquelle il est juché. C'est un tout petit singe. Je crois qu'il ne m'aime pas. Il n'a pas l'air de t'apprécier, hein. C'est peut-être ça qu'il aime pas. C'est ça qu'il n'aime pas. Et quand c'est sa patte. Qu'est-ce que tu veux faire en me touchant? Tu veux retirer? C'est ça? Tu le veux pour toi? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment. Tu veux quoi? Tu veux ça? Il bondit de la tête de la jeune fille, s'avance dans la cour, la patte tendue. Il va me poursuivre jusqu'à où là? Tu veux que je le retire, t'as qu'à juste dire, je sais pas moi, faire oui. Oh, donne. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Donne ta main. Non. Donne. Si je lui fais confiance, tu me feras confiance à moi? Bah, farceur, c'est mon ami. C'est mon vrai ami. Excuse-moi, mon bras bouge tout seul. Aïe. Ah. Tu l'as pris ou tu m'as mordu? Il t'a mordu profondément. Aïe. Et garde les crocs plantés comme ça et tu sens sa petite langue. Qui boit mon sang, quoi. Tu vois ses yeux... Il grossit. S'agrandir. Tout est lié, ma petite. Ton singe est bizarre. Accepte la part d'ombre qui est dans toi. Non. T'es méchant. Arrête de me chatouiller. Bientôt tu seras à moi. Ou pas. Non, tu seras mienne. Non. Et comment t'opposeras-tu à moi? Moi je m'opposerai. On va contre toi. Comment feras-tu? Avec un coup de pied? Non. Non. Tu oserais porter la main sur moi devant ma maîtresse, ma jeune chouque? Non. La nuit. Un bon rôti de singe, ça te va? Non, je rigole. Je rigole, bien sûr. N'est pas né celui qui fera de moi un rôti. Bah, tu peux me lâcher. Déjà de une. Ça sert à rien de me serrer. Ta force ne pourra rien contre moi. Si tu me molestes, alors ma maîtresse se défiera de toi et tu ne pourras pas exaucer le vœu du vieil homme. Tu lui auras menti alors même qu'elle était à portée de ta main. Parce que jamais Tchouk ne te fera confiance si tu me molestes. Oh, petite! Pardon. qu'il est mignon! Alors, tu vas écrire de ton sang? Non. Avec un stylo, comme tout le monde. Tu vas écrire avec le sang d'Egrégor ton nom? Non. Axel, je sais ton nom maintenant. C'est quoi? Qui? Axel, je sais ton nom. Et tu sens au moment où il relâche sa main. Lâche-moi. Et le soulagement. Et tu sens qu'il t'a pris quelque chose. Cette idée d'Axel, ce nom qui serait le tien véritable. Et l'espèce de petit Ouistiti se réfugie dans les cheveux de la jeune fille. Wow, c'est avec fou. Sa corbeille. C'est fou comme il est mignon. Alors, si tu acceptes de distribuer les fleurs de lotus que j'ai récoltées aujourd'hui, on pourra partager les offrandes du temple, toutes les deux. Ouais. Et alors nous serons amis. Ouais. Mon nom est Tchouk. Aïe. Et nous serons de vrais amis. Oui. Acceptes-tu mon amitié? Oui. Comment t'appelles-tu? Je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? C'est pour ça que mon singe était aussi inquiet. Peut-être. Tu sais, il est ami avec l'écrivain public. Celui qui note les souvenirs. Tu veux que nous allions le consulter? Peut-être, oui. Peut-être que tu pourrais retrouver ton nom alors. Mmh. Et nous pourrons devenir de vrais amis si tu connais ton nom. Oui, oui. Si je t'ai redonné ton nom, nous serons des amis alors. Oui. Allons-y, oui. C'est parti, les amis. Et son petit copain. Non, il est mignon. Ouais, très. Très. très mignon. Il y a celui que son singe lui parle. Tu lui posais la question. Mais tu sais que ton singe lui parle. Non. Vraiment? Il t'a parlé? Ouais. Vraiment, il t'a parlé? Oui. Je croyais que j'étais la seule à l'entendre. Alors, on peut vraiment être des sorts. Il faut vraiment que t'ailles voir l'écrivain. Oui. Eh, faut pas faire attention. Il fait un peu peur. C'est un on dit l'écrivain aveugle, parce qu'il a les yeux qui ont été bouffés par les Grégores. Mais c'est un bon zig, hein, comme ils disent les autres. Il sait plein de choses, l'écrivain. D'accord, si tu le dis. Tu me fais confiance? Oui, oui. On est copines. Oui. Vous entrez dans les shops illuminés de nombreuses bougies suspendues avec des encensoirs, plein d'encens et de fumée qui a envahi la petite échoppe, et lui se tient dans le coin le plus ombreux de la pièce, en train de tailler un pinceau, un manche de pinceau. Il a un petit encrier noir devant lui et de grandes feuilles. Aussitôt que tu entres, il te regarde. Tout est lié. Tout est lié. Je suis Choke. Qui es-tu, jeune fille? Je suis Choke, l'écrivain aveugle. Mais ne te méprends pas. Bientôt je connaîtrai tout de toi et je pourrai coucher et même faire ressouvenir tes plus vieux souvenirs. Allez, repart. Car tel est mon talent. Regarde bien mes yeux. Ne te dérobe pas. Laisse-moi regarder les tiens à mon tour. Tu as peur? Non. Ce n'est pas une épreuve. Dis-moi ton nom. Et de mon encre gorgée d'égrégore, je dirai un de tes souvenirs enfouis. C'est-à-dire qu'il y a un petit problème, c'est qu'il y en a qui disent que je m'appelle Elishiba. Il y en a qui disent que je m'appelle Elie Shabai. Il y en a qui disent que je m'appelle Axel. Donc c'est assez compliqué. Il faut partir, oui. J'aime assez Axel. Mais celui-là, je me le garde. D'accord. Disons que tu seras Elie Shabai, car tu es ici. Je sens que si je libère Axel, tu me voleras Chouk. Non. Tu vois ses cheveux qui forment comme une collerette au-dessus de sa tête. On dirait la marque de votre vie. On dirait c'est qui votre prophète. Pardon. Mais tu peux être mon ami. Et si tu me promets d'être mon ami, eh ben, on pourra construire une superbe cabane et je te protégerai de tous ceux qui viendront te menacer. Il a changé de personnalité ou je rêve entre deux. Ouais, il est devenu bizarre. Oui. Tout est lié. Tout est lié. Mais tu me l'as dit il y a 5 minutes. Axel. Ouais. C'est moi, Simon. Ouais. Tu viens m'aider à faire la cabane. Et tu sens une main toute frêle mais ferme posée sur ton épaule, alors que l'autre a la peau la peau noire et en serre avec fermeté ton pouce comme l'a fait juste avant le petit singe qui t'a dérobé ton nom d'Axel. Écouteras-tu la voix de Simon qui t'enjoint à le rejoindre dans sa cabane? Non, j'ai fait une promesse, je tiens ma promesse. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis même pas sûre si tu me vois. Ouais, j'ai rien dit, tu me vois. Le jeune homme aveugle se tient immobile. Ses yeux sont grands ouverts. Tu vois ses yeux comme tourbillonner à un rythme étrange, comme celui des arbres du conclave. Ou peut-être un souvenir plus ancien. Ça te fait songer à Kaolai. Est-ce que tu appelles Kaolai? Il va être où? Il va sortir du coffre. Pourquoi? Est-ce que tu convoques en toi Kaolai? Tu sais qu'il a l'un de tes cœurs. Il est occupé. Non. Il a dit que... Que t'a-t-il dit au fait? Qu'il allait te déserter, qu'il allait te rendre ton corps. Ouais, donc il est plus là. Qu'il allait te rendre ton corps. Il est toujours là. Ouais. Est-ce que tu l'appelles, mais en même temps il a dit que s'il te rendait ton corps, c'est pour te laisser libre de tes mouvements et de tes choix. Est-ce que. Ouais, bah là j'ai besoin de lui. Tu l'appelles? Ouais. Caroline est avec toi. Oui, qui a dit? J'ai un problème là. Que puis-je pour toi? Il y a que des personnes bizarres. Oui. Et j'ai fait une promesse, mais il y en a tout le monde qui me dit de faire l'inverse. Et toi, que veux-tu faire? Bah, je sais pas. Que veux-tu vraiment? Bah... Qui veux-tu contenter? Il ne faut pas contenter les autres, il faut te contenter toi. D'accord. C'est toi qui dois être ton seul guide. N'écoute pas ce que te demandent les autres, écoute ce que tu veux toi. D'accord. Que veux-tu? Bah, tenir ma promesse. Laquelle? Celle de... ramener... la ramener à son père. Ramener Chouk à son père. Oui, qu'elle le veuille ou non. Et aussi de ramener les renards. Où ils sont? Tu sais, la fille des morts. Ramener les renards. Les renards. Où sont-ils? Je sais même pas. Peut-être qu'elle sait où ils sont. Et en tant qu'amie, elle va me le dire. Je sais pas. Et qu'est-ce qui te tient le bras en ce moment? Un fou. Non. C'est un fou? Non, penses-tu c'est... que ce soit un fou? Non, je pense pas. C'est juste qu'il fait. Qui est ce Simon? Dis-moi. Qui est ce Simon? C'est pas le vrai Simon. Es-tu sûr que ce soit pas le vrai Simon? C'est un autre Simon. C'est un Simon, mais c'est un autre Simon. Et celui qui a commencé, qui t'a mordu? Je vois ta blessure. Oui. Celui qui t'a mordu atrocement. Regarde, la plaie est déjà purulente. Bah lui, il est bizarre. C'est pas la même chose. Ce singe, c'est un Orla. Celui qui te tient le bras est un Orla. Lui, celui qui est en train de me regarder malgré qu'il est aveugle. Celui qui t'a mordu est un Orla. Ok, il faut m'en débarrasser. Comment il habite. Comment peux-tu... m'en débarrasser? Oui. Comment faire? Dis-moi, s'il te plaît, aie une idée. C'est toi qui peux le trouver. C'est dans ton cœur que se trouve la solution. Merci pour l'aide. Comment faire enfin? Prends bazooka. Bah, non, je... Au pire, on dit qu'il a... C'est lui qui a tué son père. Le gros mensonge. Et si elle apprend que c'est un mensonge, elle va plus me faire confiance. Qu'est-ce qui ronge ton ami Simon? Je sais pas. Si le fait d'être un loup. Quoi? D'être un bélier. Je sais pas. Et pourquoi veut-il être un bélier? Je sais pas. N'est-il pas bien en tant que Simon? Peut-être qu'il se trouve mieux que quand il était Simon. Mais quelque part, il regrette un peu. Mais il veut rester quand même. Non, je sais pas, je peux pas être à sa place. Tu peux pas être à sa place, mais tu peux lui dire ce qu'il est pour toi. Peut-être que si il perd l'emprise sur Simon... Peut-être que s'il perd l'emprise sur Simon, peut-être que s'il perd l'emprise sur Tchouk, tu réduiras la puissance de ce Orla. Ouais. Mais il faudra me soigner ma blessure. Elle se soignera d'elle-même si tu connais la source de la contamination et si tu la contiens. Que veut-il de toi? Que veut-il des autres? Qu'est-ce qu'il a trouvé comme voie d'entrée en Simon? Très bonne question, parce que j'ai jamais vu un être plus pur que lui. Oh, son innocence. Non. Bah, la fille, elle est innocente, et lui aussi. Peut-être. Pourquoi veut-il à tout prix devenir un loup, puis un bouc? Parce que, comme ça, il se trouve... Je sais pas, différent. Il trouve peut-être qu'il a une meilleure vie. Je sais pas. Serait-ce pas parce qu'il a peur qu'on l'abandonne? Aussi, peut-être. Qu'on ne l'apprécie pas pour ce qu'il est? Peut-être. Si tu parles à Simon, ouais, mais il faut pas que je traite que ça. Non. Je cherche une phrase dans ma tête. Que faudrait-il à Simon? Moi. Que voudrait-il entendre de toi? Je sais pas, moi, que je l'abandonnerai jamais. Que tu l'abandonnerais jamais? Oui. Que tu serais là pour lui? Oui, en cas de problème. Mais même sans. Et tu penses que ça, il voudrait l'entendre? Peut-être, oui, je pense. En tout cas, moi, j'aurais aimé l'entendre. Que tu jamais tu ne l'abandonneras. Cette idée. Qu'est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à miser tes phrases? Ouais. Dans cet affrontement avec ce sort là. J'en ai trois de phrases, ça va, ça passe. 3D. 3D, trois phrases, ouais. Ouais. Non. Non, une souffrance. Regarde. C'était à... Oui, c'était à 3. Non, c'était à 5. C'était à 3, moi, je dis. Non, c'était un 4. Ok, ouais, c'était rien. Donc... Une souffrance. Alors, de ce premier affrontement, cette première confrontation, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu dis? Que je serai toujours là pour lui et que... Pourquoi détournes-tu le regard? Que je serai toujours là pour toi et que je t'abandonnerai jamais et que... Tu m'as toujours dit ça et pourtant je suis toujours dans la cabane tout seul, tu viens jamais la finir avec moi. T'as toujours mieux à faire. C'est une expression. Non. Oui, mais j'ai... Voilà. Ah, je sens que... peu à peu, tu comprends, Axel. Tu comprends que... pourra pas m'échapper. Si. Qu'est-ce qui te permettra de m'échapper alors? J'aimerais bien le savoir. Que je sais que moi j'ai pas été toujours là pour lui, mais comment je sais qu'il sera toujours là lui pour moi? C'est pas parce que moi je fais qu'une erreur que lui il voudra faire la même erreur que moi. C'est ça. Mais ça, j'en suis sûre. Je le connais depuis que je suis petite. Je sais qu'il a peut-être changé, mais ça m'étonnerait sur ce point. C'est pour ça que j'ai perdu. Mais je sais pas, moi. Je peux pas le relancer. C'est parce que tu triches là. Si, toi. Tu vois le regard jaune de l'enfant aveugle reflué. De grandes larmes ont bu son regard. Je suis le farceur. Je te vois dans les larmes. Tu es une jolie fille. Mais maintenant, mon talent est emporté par mes larmes. Mmh. J'ai pas compris, mais je suis censée perdre là. Ses larmes teintées de jaune coulaient le long de son cou. Ne pleure pas, ne t'inquiète pas. Maintenant, je ne suis plus qu'un gamin comme les autres. Mais non, tu seras toujours spécial, tu seras toujours unique, tu seras toujours toi. Je pourrais plus faire commerce des lettres des Grégoire maintenant. Comment je vais manger? Je vais t'aider. Tu deviendras mon ami? Oui. Malgré ce que j'ai voulu te faire? Malgré le fait que j'ai voulu te voler ton nom? Oui. C'était qu'une blague? Ouais, ha ha ha, je rigole. On est amis alors? Ouais, si t'arrêtes de faire ce que t'as fait tout à l'heure. Ouais. Ça te va? Et toi, ça te va? Moi, ça me va. Parfaitement. Est-ce que je pourrais pas t'oublier parce que tu m'as volé mon seul talent? Oh, désolé, je suis désolé. Oh. faut noter que tu as volé les Grégor dans les yeux du farceur. Et du coup, c'était le saint ou c'était lui? Les deux? Oh mon dieu! Du farceur. Et donc, on va considérer. Tu sais, dans ta famille, on avait déterminé les familles de chacun. Tu te souviens? Et donc, toi, dans ta famille. Il y a moins une personne, non? Ou plus une personne? Bah, t'as Tchouke. Et le farceur. Bah, Tchouke, c'est ouais, le farceur ouais, c'est vrai, en Khmer. Ouais, c'est vrai. Donc, je note la traduction. Mmh. Donc, toi, ton crève-la-faim, c'est Tchouke. Mmh. Et la petite fille, n'a plus qu'à aller la redonner à son père et à la retrouver, les Renardo. Il va nous manquer tout. Alors. Je te propose d'arrêter la partie fiction ici, si ça te convient. Ça va. Est-ce que ça t'a plu, l'histoire qu'on a racontée? C'était n'importe quoi. Non, c'était bien. Qu'est-ce qui t'a déplu sur la fin? Non, c'était très bien. C'était très bien, ça m'a plu, oui. C'est comme la partie de vendredi, ça. C'était bien au début, c'était... normal, après, t'es allé dans un truc bizarre, après, t'as continué dans le truc bizarre. Mais là, c'est devenu à peu près normal, mais bon, ça m'a pas dérangé. Juste, ça a choqué, mais bon. Qu'est-ce qui t'a choqué? Bah, il fallait que je m'habitue au changement comme ça, d'un coup, j'étais pas prête pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Moi, ça m'a plu et... Ça, est-ce que ça a gêné ton immersion Non, ça m'a vraiment pas gêné, c'est juste que je m'y attendais pas, mais c'était une bonne surprise, pas une mauvaise surprise. D'accord. Bah, voilà. Franchement, ça ne m'a pas déplu et je pense qu'on a pu en apprendre. Les personnages et voilà. Voilà. Alors, tu me disais? Bah. Que. Qu'est-ce que je dois dire? Je sais pas. Ce que toi, tu. Qu'est-ce qui t'a vraiment déplu dans la partie? Bah, il y a rien qui m'a déplu. Non, franchement, ça m'a vraiment pas déplu parce que. Je trouve, même moi, j'en ai beaucoup plus apprécié mon personnage et ça a vraiment fait. Est-ce que tu as des liens? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir créé des liens avec les figurants ou les autres personnages qui étaient en scène? Oui, vraiment. Est-ce que tu as un sentiment d'attachement? Qui s'est créé. Oui. Est-ce que au moment où, par exemple, vous vous êtes séparé avec le vieux monsieur, tu as ressenti une émotion? Oui. Tu étais dans l'interprétation ou toi, en tant que joueuse, tu ressentais quand même une émotion? Un peu des deux. Peu des deux? Non, mais je pense que c'est plus en tant que joueuse, moi, je dirais. D'accord. Tu voyais l'artifice de l'histoire, mais tu y prenais plaisir, c'est ça? Vraiment, oui. Je te remercie pour cette superbe partie.